Bon. C'est mon très grand plaisir, premièrement, d'être le chairman de cet après-midi. Deuxièmement, d'introduire l'intervention d'Alexis Cuquier, à ma droite, dont je connais le très magnifique, bien que très long, mémoire de M2, et qui maintenant va faire une intervention qui témoigne d'un déplacement dans sa problématique et son orientation dont il m'a parlé pendant le déjeuner. Alexis Cuquier, c'est à vous. Je vous remercie. Je voudrais remercier d'abord les organisatrices et organisateurs d'avoir accepté ma proposition et de m'avoir ainsi incité à prolonger mes lectures de Sartre dans la perspective de ma thèse. Et donc je voudrais, avant d'aller plus directement à l'explicitation du titre, commencer par une présentation de la manière dont j'envisage, peut-être de manière problématique, peut-être que ça ne tient pas, donc je fais un appel à vos critiques et objections. Les analyses sartriennes dans le cadre donc de cette thèse. Donc je voudrais partir d'un problème qui est à mon sens central dans la philosophie sociale contemporaine, problème que j'essaye d'élaborer dans ma thèse et que Sartre, de manière pour moi assez inattendue, faut le dire, me semble éclairer de manière originale et forte. Ce problème, c'est celui de l'articulation au sein de la praxis sociale entre d'une part le contrôle que les individus exercent sur leur compréhension dans leurs interactions, c'est ce que j'appelle le contrôle interactionnel de l'empathie et qui correspondrait chez Sartre au niveau du conflit pratique des libertés, j'y reviendrai, et articulation donc entre ce contrôle interactionnel et d'autre part le contrôle que les rapports sociaux exercent sur ce contrôle de la compréhension, ce que j'appelle les dispositifs sociaux de contrôle de l'empathie qui correspondent chez Sartre, et c'est sa principale originalité, la chose qui m'intéresse, au niveau de la matérialité, rareté, matière ouvrée et pratico-inerte, j'y reviendrai. Donc pour le dire vite, il s'agit de penser hein, en même temps à partir de l'articulation entre contrôle interactionnel et contrôle social de la compréhension, la question de l'idéologie, c'est-à-dire de la reproduction des représentations, normes et structures sociales, la question du pouvoir ou du gouvernement, c'est-à-dire de la capacité à faire entrer les individus dans certains types de rapports et à les faire agir de manière déterminée, et la question, plus spécifique, de l'infrastructure morale des rapports sociaux et politiques, c'est-à-dire de la manière dont l'idéologie et le pouvoir se reflètent et se transforment dans le contrôle interpersonnel. Donc je pense que cette articulation est importante pour une philosophie sociale attentive aux nouvelles formes de contrôle de la compréhension sociale, et notamment à l'intensification de la guerre économique comme matrice de compréhension et de comportement, dans le marché du travail, des capitaux et des savoirs, à la managérisation du travail et de la société aux nouvelles formes de réification qui l'accompagnent, et à l'offensive de l'idéologie des élites et aux nouvelles formes de mystification corrélative. Ça, c'est le contexte général, et je voudrais défendre aujourd'hui l'idée que les analyses de Sartre dans Cahier pour une morale et la critique de la raison dialectique, surtout le premier tome, et d'une manière générale, la manière dont il a tenté d'y articuler existentialisme et marxisme, est une source féconde pour penser cette articulation entre contrôle interactionnel ou relation sociale et contrôle social de la compréhension ou rapports sociaux d'une manière différente que ce que permet la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth. Donc je propose de partir d'une confrontation, et là j'arrive à mon titre, entre Sartre et Honneth, confrontation rapide autour de ces questions, qui me conduira notamment à rappeler la fécondité de ce que Sartre appelle, contre toute approche exclusivement intersubjective de la compréhension pratique, hein, qui est inséparable du projet présenté dans Question de méthode, de l'élaboration d'un existentialisme interne au marxisme. Mais aussi, donc ce sera dans le premier temps, dont me paraît dépendre la position pour comprendre hein, cette articulation qui est un problème entre contrôle interactionnel et contrôle social. C'est évidemment assez difficile. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi à expliquer ou comprendre la manière précise par laquelle Sartre comprend ce problème et y répond, mais j'essaierai de le faire à partir de ce que j'ai appelé la dialectique de l'objectivation du conflit pratique des libertés, qui voudrait nommer donc la manière dont le contrôle interactionnel et le contrôle social de la compréhension pratique s'articulent. Alors, comme je crains de ne pas être très clair par la suite, j'essaye de donner sur cette idée de dialectique de l'objectivation du conflit pratique des libertés trois premières indications. À un niveau très général, Cela signifie que, comme je le rappellerai, l'homme, là je cite Sartre, est médié par les choses dans la mesure où les choses sont médiées par l'homme. Il s'agira de comprendre cette question à partir de cette thèse. La deuxième, plus spécifique, à partir de cette question du contrôle de la compréhension, c'est que les libertés agissent, dit Sartre, opèrent les unes sur les autres, se transforment, notamment dans Cahier pour une morale, il y a beaucoup de... formulation et d'analyse assez frappante à cet égard. Et l'idée plus directement de dialectique de l'objectivation du conflit, c'est cette idée qu'il y a une objectivation des relations sociales dans les rapports sociaux, certes, qui passe par la médiation de la matière, mais il y a aussi une objectivation, une instrumentalisation réciproque des libertés, manipulation de soi et des autres en part positive ou en part négative, un contrôle des libertés qui est lui-même socialement déterminé. Donc c'est ce que j'essaierai de comprendre, et d'appuyer cette interprétation en me référant surtout aux analyses sartriennes du serment et du groupe en fusion dans la critique de la raison dialectique 1, d'une part, et d'autre part de l'infrastructure morale et sociale de l'oppression, que je comprendrais, ces deux formes apparemment inverses, comme des formes spécifiques d'articulation entre contrôle interactionnel et contrôle social de la compréhension. Donc j'essaierai à la fin de proposer des critères pour voir ce qui, malgré le fait qu'il s'agit à chaque fois de régimes spécifiques de rapport entre compréhension interactionnelle et compréhension sociale ou contrôle social de la compréhension, la manière dont ils se distinguent. Donc le premier moment sur Sartre et Honnête. Donc l'idée initiale de mon titre et de mon abstract, dont je me suis finalement un petit peu écarté, mais je vais essayer d'en rendre raison, était donc la suivante. La dialectique entre compréhension pratique et conflictualité sociale chez Sartre pouvait être comprise en essayant d'articuler, d'une part, son affirmation de la séparation ontologique des consciences, du caractère réifiant du regard d'autrui et de la violence de la rencontre interindividuelle, d'une part, et d'autre part, pour un lecteur de Sartre tout à fait novice que je suis, ses analyses de la praxis sociale, individuelle, collective ou commune, et de l'engagement moral et politique avec, contre ou pour autrui, qui semblaient, à première vue, s'y opposer. Dans cette perspective, que je vais en même temps déconstruire juste après, la confrontation avec Honnête pouvait se motiver, premièrement, dans le fait que leurs prémices semblaient s'opposer frontalement. Tandis que chez Honnête, l'articulation entre praxis, réification et conflictualité est pensée à partir de la primauté, de la normativité, de la compréhension mutuelle, chez Sartre, elle semblait pensée à partir de la situation d'aliénation de l'homme dans la matière ouvrée et de la violence primordiale de la rencontre interindividuelle. Deuxième motif de cette confrontation, c'était la critique que Honnête propose dans la lutte pour la reconnaissance de Sartre, en affirmant que si Sartre, certes, aurait annoncé la thèse honnêtienne selon laquelle, je le cite, « les conflits sociaux doivent au premier chef être compris comme l'effet d'une perturbation des rapports de reconnaissance entre des acteurs collectifs », donc il lui reconnaît ça, et en même temps il le critique aussitôt en disant « il n'a pas su la systématiser en l'articulant au fondement existentiel de son analyse ». Je cite à nouveau Honnête « il n'est jamais parvenu, Sartre, à résoudre la tension qui était d'emblée apparue entre d'une part sa version existentialiste du projet hegelien et d'autre part les éléments d'une théorie de la reconnaissance ébauchée dans ses diagnostics politiques ». Pour le dire vite, Sartre n'aurait pas su articuler la dimension existentielle et politique du conflit pratique entre les libertés. Donc, cependant, j'en suis venu non pas à essayer de défendre Sartre contre Honnête ou de les faire dialoguer, mais en fait à concevoir différemment l'originalité de Sartre à ce sujet, et donc à relativiser ces deux thèses que j'aimerais, dans ce premier temps, interroger de manière critique conjointement. Et ce sera quand même un peu une réponse de Sartre à Honnête sur ce point. Tout d'abord, il n'est pas certain qu'on puisse opposer, comme le fait Honnêt, une première théorie négativiste de l'intersubjectivité, marquée par la séparation ontologique des consciences et par la violence de la rencontre avec autrui, à une seconde philosophie de Sartre, plus politique mais moins systématique, dans lequel il découvrirait les dénis de reconnaissance. En réalité, il m'a semblé que dès Cahiers pour une morale et aussi dans la critique de la raison dialectique, il y a une réinterprétation de la séparation ontologique des consciences à partir de la médiation matérielle des libertés, qui permet d'allier ces deux postulats. Ce qui sépare les libertés, ce qui les fait entrer en conflictualité, j'y arrive après, c'est la matière, comme rareté, matière ouvrée ou pratico-inerte, mais cette matière est précisément aussi ce qui les intermédie, ce qui n'est donc pas un facteur de perturbation de certains de leurs rapports, mais leurs conditions structurelles, et au fond, la matière, c'est ce qui permet aux individus aussi de se comprendre, mais de manière déterminée. Mais plus encore, si Sartre pense en effet l'idéologie, le pouvoir et l'infrastructure morale des rapports sociaux, donc d'où j'étais parti, à partir de la séparation ontologique des consciences, de la violence, de la rareté, du pratico-inerte, etc., en réalité, il arrive à systématiser ça, me semble-t-il, et donc il répond à Honnêt, dans ce qu'il appelle l'expérience dialectique, c'est-à-dire le fait que, donc je le cite à nouveau, « l'homme est médié par les choses dans la mesure même où les choses sont médiées par l'homme », c'est-à-dire, comme le précise Emmanuel Barreau dans son article « Sartre et les sciences sociales », que, je le cite, « le gouvernement de l'homme par la matière ouvrée est rigoureusement proportionné au gouvernement de la matière inanimée par l'homme ». Ainsi, la matière ouvrée et le pratico-inerte ne sont pas des écrans à la compréhension, des éléments perturbateurs, mais elles sont au contraire des médiations qui prescrivent elles-mêmes certains types et usages, coopératifs ou réifiants, de compréhension pratique. Pour le dire vite, avant d'essayer de le montrer en détail avec les deux exemples, il me semble qu'on trouve bien chez Sartre, de manière bien plus nette que dans la théorie honnêtienne de la reconnaissance, même si c'est aussi implicite, je crois, mais très différemment, l'articulation donc, entre ce que j'appelle le contrôle interactionnel de l'empathie, dans lequel les individus contrôlent mutuellement leur comportement et leur compréhension, et les dispositifs sociaux de contrôle de ces interactions, et donc je précise un peu, qui correspondent au niveau du pratico-inerte et de la matière ouvrée, et qu'on peut décrire comme des structures matérielles, symboliques et institutionnelles qui orientent ce contrôle en y créant des dissymétries et en prescrivant certains usages spécifiques de la compréhension sociale. Donc la formule que j'ai employée, donc là je me répète un petit peu, c'est celle de dialectique de l'objectivation du conflit pratique des libertés pour penser cette articulation, qui voudrait dire ceci. Sartre affirme à la fois que les libertés se transforment, au sens littéral, opèrent les unes sur les autres, mais en même temps que ces rencontres et ces conflits sont intermédiés par les structures sociales, de telle manière que les libertés sont conduites à s'objectiver, s'instrumentaliser les unes pour les autres et pour elles-mêmes en rapport avec ces structures objectives. Donc deuxième point de réponse de Sartre à Honnêt, il me semble que la transformation que Sartre propose du concept de compréhension pratique permet de rendre compte à la fois du rapport existentiel et donc du contrôle interactionnel entre la liberté et de sa détermination situationnelle, sociale et matérielle, et donc d'allier de manière systématique, contrairement à ce que Honnêt soutient, théorie existentielle du conflit pratique des libertés et théorie marxiste de la praxis, de la conflictualité des rapports sociaux. Donc j'ai retenu deux définitions de la compréhension pratique en essayant de résumer. Dans CRD2, la compréhension, c'est la praxis même en tant qu'accompagnée par l'observation observateur situé, et dans CRD1, ainsi la qui est le plus important sans doute pour mon propos, ainsi la compréhension n'est pas autre chose que ma vie réelle, c'est-à-dire le mouvement totalisateur qui ramasse mon prochain, moi-même et l'environnement, donc c'est ça qui est important, et l'environnement, dans l'unité synthétique d'une objectivation en cours. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une compréhension mutuelle, on est dans une compréhension sociale qui englobe l'environnement à l'intérieur d'une pratique, d'une praxis pensée comme objectivation. Donc il ne s'agit pas de ce que Honnêt appelle la compréhension mutuelle, mais bien une compréhension sociale au sens fort, qui est bien compréhension de la liberté par la liberté, mais toujours dans le contexte matériel et pratique. Je vais passer assez vite là-dessus. L'essentiel, ainsi cette compréhension qui unit les individus mais par la médiation des structures matérielles peut être définie comme la rencontre située entre deux projets de négation de la situation qui sont conduits par cette situation à se comprendre comme objet l'un pour l'autre en rejoint dans les relations sociales la structure matérielle des rapports sociaux. Évidemment, en rejoint, j'essaierai de préciser ce que ça veut dire. Donc c'est ce que Sartre appelle, notamment dans Cahier pour une morale, le conflit pratique des libertés, qui ne nomme pas seulement la possibilité d'un désaccord sur les fins pratiques, mais plus radicalement, d'une part le fait que l'action sur la liberté d'autrui est nécessaire à la réalisation de ma fin, ou de la sienne. Il faut agir sur sa liberté, il faut la transformer, en bonne part ou en mauvaise part, si on veut. Et d'autre part, le fait que les rapports sociaux contraignent ces libertés et les disposent à se comprendre, à s'objectiver, à s'utiliser d'une certaine manière. C'est ce que montrent notamment les exemples de l'appel et de l'aide. Donc après, il y aura le serment et puis l'oppression, mais les exemples de l'appel et de l'aide dans Cahier pour une morale, que j'aurais pas le temps d'analyser en détail comme je l'avais prévu, mais en constitue des exemples éclairants, des exemples d'usage spécifique de la compréhension qui ne résulte ni n'occulte, mais au contraire surmonte pratiquement le conflit des libertés. Sartre écrit « L'aide dans sa facticité est opposition surmontée, c'est-à-dire utilisation du conflit de la liberté, en s'appuyant sur une auto-objectivation de sa liberté dans l'engagement pour autrui. » J'essaye de citer Sartre pour justifier cette thèse. Dans l'appel et dans l'aide, affirme Sartre, les libertés se font, donc je le cite, se font librement passivité l'une pour l'autre, et celui qui comprend le projet d'autrui et y coopère, je le cite toujours, par sa compréhension active, se fait peu à peu passivité, instrumentalité, d'autant plus passion qu'elle est plus libre. C'est un exemple, en fait, je pense qu'on pourrait essayer de décrire toutes les figures de la compréhension à partir de différentes formes de ce devenir objet de la liberté, soit la sienne, soit celle d'autrui, et de ce contrôle. Mais l'essentiel est de voir que dans les relations morales se joue en tout cas bien autre chose, je crois, chez Sartre qu'une simple reconnaissance, mais bien un contrôle. Ce que Sartre appelle dans le même passage le fait, donc je le cite, le fait d'opérer sur l'opération de l'autre et sur sa propre liberté, ce qui implique donc non seulement une instrumentalisation de soi, de sa propre liberté, mais encore une opération sur autrui. Ce sont ces types d'opérations sur autrui, par la médiation des structures sociales, constituantes ou constituées, que mes analyses du serment et de l'oppression voudraient clarifier. Mais avant, et pour finir de camper cette réponse de Sartre à Honnête, j'aimerais insister sur un troisième argument. Il n'est pas certain que l'entreprise de Sartre puisse être réduite à une lutte pour la reconnaissance, hein, comme le fait Honnête, au sens où la reconnaissance entre deux consciences serait l'objet de la lutte. Sartre, tel que je l'ai compris, me semble dire quelque chose d'assez différent. Le conflit pratique des libertés doit être compris à partir d'une dialectique dans laquelle la compréhension réciproque des fins passe donc par une objectivation, un devenir chose, un contrôle de ma propre liberté et de celle d'autrui. Ça signifie que les différentes formes de contrôle et d'objectivation de ma liberté ne sont jamais séparables de la matérialité, du pratico-inerte et des structures sociales, dont au contraire elles prennent le relais. Or, cette prise en compte de la matérialité du social me semble changer beaucoup de choses à l'appréhension du conflit pratique des libertés et éloigne Sartre d'une appréhension intersubjective de la lutte pour la reconnaissance. Je cite Sartre à propos de la dialectique hegelienne du maître et du valet. Mais là aussi, on se tromperait fort si l'on croyait que le but est l'anéantissement de l'adversaire, ou pour prendre le langage idéaliste de Hegel, que chaque conscience poursuit la mort de l'autre. En fait, la lutte a pour origine, en chacun, un antagonisme concret qui a la rareté sous une forme définie comme condition matérielle. En d'autres termes, Hegel a supprimé la matière comme la médiation entre les individus, ce qui, parenthèse, n'est pas forcément vrai, mais bon. Même si l'on adopte sa terminologie, il faudrait dire que chaque conscience est la réciprocité et la réciproque de l'autre, mais que cette réciprocité peut prendre une infinité de formes différentes, positives ou négatives, et c'est la fin qui m'intéresse, et que c'est la médiation de la matière qui décide de ses formes en chaque cas concret. Ainsi, toute lutte, toute tentative de contrôle de la compréhension est toujours marquée par une situation d'aliénation première, hein, celle du pratico-inerte et de la matière ouvrée. Cette aliénation, si elle correspond bien subjectivement à la position de la primauté ontologique de l'autre, n'est en réalité que la conséquence de la médiation matérielle des rapports humains. Mais à l'inverse, la matière ouvrée n'aliène l'action que parce qu'elle exprime, dit Sartre, les attentes et les structures de domination et d'oppression de leurs producteurs. Donc la lutte entre les libertés est d'abord lutte, commune ou conflictuelle, contre une aliénation qui ne résulte pas directement de la rencontre entre la liberté, mais résulte de son objectivation préalable dans des structures sociales préexistantes. Ainsi Sartre, et je finis ce premier moment, contrairement à Honneth, critique l'idéalisme hegelien, enfin ce qu'il y voit comme un idéalisme, non pas seulement en réinscrivant la conscience dans les corps et l'affectivité, mais en montrant comment leur rencontre est ancrée dans des situations qu'ils cherchent à dépasser, mais qui les orientent, les informent et les contrôlent. Ces situations doivent être pensées comme des dispositifs, enfin je propose de les penser, comme des dispositifs matériels et idéologiques qui produisent des effets sur et contrôlent la manière dont les sujets, à leur tour, contrôlent leur comportement et leur compréhension dans les interactions. Ce qu'il faut donc comprendre à présent, c'est comment Sartre conçoit cette articulation entre contrôle interactionnel et contrôle social de la compréhension, à partir donc de cette idée très provisoire et insatisfaisante de la dialectique de l'objectivation du conflit pratique des libertés, c'est-à-dire les différentes manières dont les individus sont amenés à s'objectiver dans les relations de compréhension. Donc j'en viens à l'exemple du serment. On a vu donc comment l'aide consistait en un devenir objet de la liberté dans l'engagement pour autrui. J'aimerais à présent analyser plus en détail un autre exemple, celui du serment révolutionnaire, par exemple le serment du jeu de paume, donc dans CRD1, qui fait suite à l'analyse du groupe en fusion et qui met en jeu également une forme d'auto-objectivation pour autrui. Le serment, affirme Sartre, est une action, une forme de praxis, mais considérée dans son moment compréhensif, c'est une forme de compréhension pratique en tant qu'elle permet la médiation des actions. Je cite Sartre. Le serment est compréhension pratique de la réciprocité comme moyen de constituer une inertie de groupe et de la même façon que la praxis arsermentée implique la compréhension commune de l'objectif du groupe et du serment. Le serment est donc un certain usage de la compréhension, comme l'était l'aide ou l'appel, mais cette fois-ci dans la perspective d'un objectif commun et d'une praxis commune qui font qu'entre les sujets de cette praxis, comme le dit Sartre, agir et comprendre ne font qu'un. En comprenant mon but, je comprends celui de l'autre. Et je les comprends tous deux, et ceux de tous les autres, à partir de l'objectif commun. Donc ça c'était pour montrer qu'il s'agit de compréhension. Mais plus précisément, dans le serment, le groupe en fusion, qui n'existait en tant que processus de dissolution de la sérialité que le temps de l'action, défensive contre la praxis adverse, cherche à pérexister en se faisant objet, en faisant bloc, contre le retour de l'ennemi, certes, mais aussi contre le retour des contre-finalités et du pratico-inerte. Je cite Sartre, le groupe cherche à se faire lui-même son propre outil contre la sérialité qui menace de le dissoudre. Il crée une inertie factice qui le protège contre les menaces du pratico-inerte. Donc l'acte du serment, en tant que tel, est une action libre sur la liberté d'autrui, une modification réelle, dit Sartre, du groupe par mon action régulatrice, pour qui je joue le rôle de tiers, donc moi qui fais le serment, le rôle de tiers, c'est-à-dire d'une instance de totalisation et d'objectivation des réciprocités intra-groupes. Ce qui est important, c'est que chaque liberté agit sur l'autre par l'intermédiaire du serment de chacun. Sartre dit « chaque praxis devient moyen et condition de chaque autre », c'est-à-dire, dit Sartre, se fait quasi-objet pour intermédier concrètement la liberté des membres du groupe. Sartre nomme cela une réflexion pratique, et je le cite encore, « chacun revient à soi en tant qu'il conditionne positivement la libre action de chaque tiers en limitant négativement la sienne ». C'est-à-dire que, comme je le comprends, par l'intermédiaire du serment, le groupe cherche une première fois à se contrôler de manière réflexive en transformant sa propre compréhension d'elle-même. Et par l'intermédiaire aussi du rôle et de la fonction de l'individu qui prête serment dans ce groupe. Il reste 15 minutes. 15 minutes. Alors je continue. En fait, ce contrôle avait commencé, mais d'une manière non réflexive, dans le groupe en fusion, et sa réflexivité s'approfondira ensuite dans l'organisation, au risque de la sclérose dans l'institution qui exige l'obéissance, etc. Et dans le parti, etc. Mais j'y reviendrai. Dans son analyse du groupe en fusion, en effet, et notamment à travers le mot d'ordre ou la harangue de l'agitateur populaire, qui étaient elles aussi des actions régulatrices par lesquelles l'individu s'offrait au combat, comme un objet, pour que d'autres s'y engagent à leur tour, et voient venir le combat par le tiers médiateur qu'il constitue, Sartre affirmait. La réciprocité médiée dans le groupe en fusion surgit de la praxis même, comme rapport de convergence entre deux tiers qui se rapprochent l'un de l'autre dans le mouvement générateur du groupe. Je me vois venir en moi, et par ce mouvement même de regroupement, chacun se fait tiers constituant et tiers constitué tour à tour. La réciprocité est relation directe, convergente, vécue. Au contraire, dans la compréhension réciproque du serment, il affirme que cette réciprocité est déjà travaillée. Elle est une intériorisation, dit-il, de la matérialité inerte contre le retour du pratico-inerte et contre la contre-attaque de l'ennemi. Et elle existe donc, dit Sartre, comme matière travaillée, c'est-à-dire nouvelle forme de médiation de la compréhension sociale. Sermon est donc une figure pratique du contrôle intersubjectif de l'empathie, de la compréhension d'autrui par mon action et de ma compréhension par l'interaction avec autrui. En aval du sermon, ça sert ensuite, l'organisation, elle, sera un contrôle sur soi du groupe par l'intermédiaire de la terreur ou des structures hiérarchiques. Sartre écrit « Le groupe, en l'absence de toute pression matérielle, doit se produire lui-même comme pression de ses membres. » Le groupe pose donc la praxis comme un objet, c'est-à-dire qu'il se contrôle lui-même par l'intermédiaire de sa propre praxis et crée ses propres dispositifs de contrôle social de la compréhension. Je cite Sartre, « Le groupe dirige, contrôle et corrige sans cesse la praxis commune. Il est même susceptible, dans certains cas, de produire les individus communs qui la réaliseront, par l'éducation technique, par exemple, etc. » Là encore, il ne s'agit pas d'une simple métaphore, je crois. Le mouvement par lequel le groupe intériorise la matérialité de la praxis adverse est le mouvement réel de sa structuration. On pourrait continuer jusqu'à l'institution, puis au parti, puis à sa sclérose. Mais l'essentiel est que ce mouvement me semble recouvrir ce que j'appelle donc la dialectique de l'objectivation du contrôle interactionnel de l'empathie, enfin redit à ma manière. La compréhension a lieu dans le champ de la matérialité ouvrée et du pratico-inerte, qui en détermine les figures, mais à l'inverse, cette matérialité et les structures sociales ne sont que le résultat d'un devenir objet des formes de la compréhension. Donc dernier moment. L'objectivation aliénante du conflit des libertés, le cas de l'oppression. Mais ce qui vaut pour l'aide et pour le serment, et en réalité pour toutes les formes d'engagement avec et pour autrui, et de réalisation commune de la liberté, vaut également, alors c'est là où peut-être ça va pas du tout, vous me direz, pour les expériences et les dynamiques de dépossession, pour les pathologies sociales et leurs structures. L'oppression, par exemple, n'est pas moins que la praxis commune, une modification de la liberté par une autre liberté, par l'intermédiaire toujours des structures sociales, qui en contrôlent la compréhension et le devenir objet. Évidemment, ce sont des formes différentes, mais c'est toujours peut-être le même cadre. Je prends l'exemple de l'oppression dans Cahier pour une morale, dans sa discussion de Trotsky, leur morale et la nôtre, mais que je ne rappellerai pas. Donc il y a 5 conditions existentielles de l'oppression, et la troisième par laquelle je commence. Sartre nous dit « L'oppression n'est pas le règne de la nécessité, mais est bien un moment de la dialectique des libertés, dans lequel se développe l'action de la liberté opprimante sur la liberté opprimée. » Tout comme Sartre rappelait à propos de la réification qu'on ne traite un homme comme un chien que si on l'a d'abord reconnu comme un homme, Sartre rappelle que l'oppression n'est pas une pure violence mécanique, mais bien une transformation et une dépossession, une modification radicale, écrit Sartre, de la liberté d'autrui. Je le cite, c'est un texte connu, « On n'opprime pas un clou ou une bille, on opprime un être ayant des projets, et l'aliénation se donne donc comme modification radicale de tous les projets, et la révolte comme la projection des possibles par-delà l'aliénation originelle, ce que j'exprimerai moi, dit Sartre, en disant qu'il n'y a d'oppression que d'une liberté par une liberté. » Derrière, implicitement, il y a une critique honnête ici, puisqu'il nous dit qu'il n'y a jamais rupture de la reconnaissance, il n'y a jamais déni de la reconnaissance, il y a une reconnaissance ou une compréhension dans une certaine forme spécifique. Mais de quelle forme est cette modification radicale ? Il s'agit, dit Sartre, je le cite, d'une action négative à distance de la liberté de l'un sur la liberté de l'autre par l'intermédiaire du monde. Si l'oppression, affirme Sartre, est réduction à l'impuissance, c'est qu'en posant son propre monde, en l'enrichissant, c'est-à-dire en posant des fins nouvelles, l'oppresseur empêche l'opprimé d'agir dans le monde. Il lui retire la possibilité de réaliser ses projets dans le monde, je le cite à nouveau, « Plus le monde de l'oppresseur sera riche et complet, plus il y aura pour l'opprimé de façon d'être esclave, puisque chaque valeur sera posée comme un interdit. » Mais l'oppression, affirme Sartre, n'est pas seulement des possessions, elle est aussi contrôle de la liberté, de ma liberté, si c'est moi qui suis opprimé, à ses propres fins. Sartre continue. Mais cela n'est pas tout. La liberté de l'autre peut réduire ma liberté à n'être plus qu'une vaine apparence, elle peut même la réduire à devenir un instrument pour ses propres fins, tout cela sans y toucher. Donc je répète la question, qui c'était pas évident d'y répondre. En quoi consiste précisément cette action à distance ? Donc Sartre répond, un peu, en fait dans ce passage j'ai pas trouvé, un peu plus loin, peut-être que c'est dans une perspective différente, je ne sais pas, mais toujours dans Cahier pour une morale, Sartre répond par l'oppression, donc je le cite, par l'oppression. Et il semble là qu'on retrouve un argument honnêtien, et en fait, non. Je le cite. Par l'oppression, l'oppresseur, rompant la solidarité intersubjective, transforme l'opprimé en l'autre, voit l'opprimé comme autre, c'est-à-dire comme ce qui, par principe, échappe à sa compréhension, ce qui est, par principe, une profondeur de mystère et de haine. Il semble qu'on retrouve ici l'idée honnêtienne d'un déni de reconnaissance, hein, et aussi le jugement d'Honnête sur Sartre, selon lequel on trouverait dans sa deuxième philosophie, et notamment dans son traitement de la question coloniale, de l'oppression et de la névrose objective, hein, sur laquelle Honnête insiste, et qu'il décrit comme, je cite Honnête, altération pathologique des rapports d'interaction dû au fait que des rapports de reconnaissance souterrains se trouvent simultanément niés par les deux parties. Il semble dans cette phrase qu'on retrouve le noyau de la théorie de la reconnaissance. Cependant, l'analyse de Sartre nous semble dépasser, y compris ici, dans Cahier pour une morale, cette altération pathologique des rapports d'interaction, non seulement parce qu'elle insiste, bien plus que Honnête, sur l'état social et l'état colonial comme prescriptrice de ces altérations, mais aussi parce qu'il insiste sur la cohérence du projet d'oppression. Je le cite à nouveau, et c'est la suite de ce passage, « Mais ce qui les rend autres, dit Sartre, c'est que nous les avons mis a priori dans une situation où ils ne peuvent apparaître que comme autres. » C'est-à-dire qu'il montre que les structures sociales sont faites pour permettre aux... Alors, faites, voilà, sont là, et qu'elles permettent aux colons de se rendre les colonisés incompréhensibles à moindre frais. C'est d'ailleurs la quatrième condition de l'oppression dans Cahier pour une morale. L'oppression est également mystification et mauvaise foi, affirme Sartre, mais par l'intérieur, l'intermédiaire, là encore, d'une structuration du monde par lequel il contrôle et refuse ou se rend impossible sa propre compréhension. La mauvaise foi en question ici, hein, qui permet de nier la liberté des colonisés tout en la reconnaissant en réalité, mais comme instrument de sa propre fin, repose donc sur la mystification qui permet de mettre le colonisé dans une condition où il ne pourra lui-même pas se comprendre et pas être compris. C'est la théorie de la névrose objective. Comment se traduit concrètement cette mystification, et comment l'état colonial peut-il être compris comme un dispositif de contrôle social du contrôle interactionnel, donc de la compréhension des colons comme des colonisés. C'est ce qu'explique cette fois-ci la cinquième condition de l'oppression, que Sartre nomme la complicité réciproque de l'oppresseur et de l'opprimé, dans la mesure où précisément les deux ont leur liberté aliénée par le même état du monde. La structure en est la résignation, comme le dit Sartre, qui est activement prescrite par les structures sociales, et que Sartre résume ainsi. Tout se retourne contre l'esclave, et dans toutes les structures qui pourraient le conduire à l'affirmation de sa liberté et de son essentialité, il trouve des instruments qui le ramènent à l'acceptation complice de son inessentialité. Donc les instruments dont dispose l'esclave ou l'opprimé, hein, le stoïcisme, le travail, le vol, la destruction, se retournent aussitôt contre lui-même, non pas vraiment à la manière de contre-finalité, me semble-t-il, mais parce que le fait même d'utiliser ces instruments pose la prééminence d'autrui et l'enchaîne dans un monde dans lequel il ne peut pas être autre chose qu'opprimé. C'est pourquoi Sartre affirme un peu plus loin que l'aliénation n'est pas une conséquence de l'oppression, mais on est au contraire un facteur. Si l'aliénation est, je le cite, un certain type de rapport que l'homme entretient avec lui-même, avec autrui et avec le monde, où il pose la priorité ontologique de l'autre, c'est parce qu'elle est un nom de cette rationalité, une rationalité qui veut dire aussi, chez Sartre, j'ai trouvé un passage, règle de compréhension, il le dit dans CRD, de cette rationalité mystificatrice qui, par l'intermédiaire du monde, me dépossède aussitôt de mon projet au profit de celle d'autrui. Autant dire, même si cette formulation provoquera peut-être des incompréhensions, que l'oppression et l'aliénation sur laquelle elle repose sont, au sens propre, si on peut parler de sens littéral ici, des manipulations de la liberté. Manipulations au sens fort. Ainsi, pour aussi continuer dans une même veine qui peut-être sera perçue comme provocatrice, le salarié croit contribuer à la sauvegarde de son emploi en collaborant à la modernisation managériale de son entreprise, normes de qualité totale ou évaluation individualisée, mais cette modernisation a pour finalité précisément de supprimer son poste et en même temps de la lui faire accepter. C'est au fond la même idée exactement. Mais quand même, qu'est-ce qui fait la différence fondamentalement avec l'aide ou le serment ? Dans les deux cas, semble-t-il, les hommes transforment, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, les hommes transforment, réalisent et surmontent les structures du pratico-inerte dans une nouvelle organisation des relations sociales qui passe par des mots, des règles de sentiments, des symboles, etc. Cependant, il ne suffirait pas, je crois, d'opposer la position morale d'une auto-objectivation de sa liberté, par exemple dans l'engagement avec et pour autrui, à la position immorale de la manipulation d'autrui, par exemple dans l'objectivation managériale de la guerre économique. En réalité, il y a peut-être une autre différence entre ces deux formes d'objectivation. Dans le cas de la fraternité et du serment révolutionnaire, cette réalisation des rapports sociaux a pour projet de partager et de tenter de surmonter l'aliénation en inventant une fin commune dans l'action. Au contraire, dans l'oppression et la mystification, cette objection vise à distribuer autrement l'aliénation dans le monde social, en la délestant partiellement des uns pour la faire porter sur les autres, ce qui suppose donc d'organiser d'une certaine manière la compréhension et l'incompréhension dans le monde social. Cette redistribution aliénante, on l'a vu, passe donc par la dialectique entre ce que j'appelle le contrôle interactionnel de la compréhension et les dispositifs matériels de contrôle pratique de cette compréhension. Donc dans un cas, dans les deux cas, il y a de l'aliénation au fond des deux côtés, mais dans un cas, on la redistribue autrement en la délestant de certains pour la faire porter sur d'autres, et dans une autre, on essaye de trouver une praxis commune qui oppose, qui en tout cas dialectiquement la surmonte. Donc je conclue. Il me semble donc que Sartre permet de penser la centralité du contrôle de la compréhension dans la philosophie sociale, voire même dans les sciences sociales, mais aussi de redéfinir d'une manière intéressante les pathologies sociales à partir de l'articulation entre ces types de compréhension pratique interactionnelle et les structures sociales qui en constituent les règles provisoires et modifiables dans l'histoire. Une confrontation plus détaillée avec Honneth, mais aussi avec la théorie de l'empathie, du corps et de l'action qui sous-tendent les différentes versions du rapport entre compréhension et contrôle social, me paraît donc fructueuse pour une philosophie sociale soucieuse de penser de manière critique les formes contemporaines de la dialectique entre relations sociales et rapports sociaux, pour penser les nouvelles formes d'idéologie de pouvoir, mais aussi de résistance et d'auto-organisation au travail, dans les institutions et dans la démocratie. Cette analyse, qui va plus loin qu'une théorie de la motivation conflictuelle dans les dénis de reconnaissance, permet de penser bien plus directement, peut-être, bon, là j'ai peut-être un peu forcé le trait, mais je crois quand même que c'est le cas vraiment, hein, de penser bien plus directement que les analyses honnétiennes, plusieurs choses, hein, la réalité du monde social, etc., qui disparaît complètement chez Honneth dans la compréhension mutuelle, etc. Mais aussi un autre point sur lequel j'aimerais finir, c'est ça permet de penser l'engagement politique pour autrui, c'est-à-dire la nécessité de transformer les rapports sociaux pour que la reconnaissance et le contrôle politique deviennent possibles pour tous. C'est-à-dire pas seulement motiver la conflictualité sociale dans des dénés de reconnaissance en première personne, mais penser comment, par l'expérience de l'aliénation partagée, on peut s'engager pour autrui. Donc je laisse à Sartre le dernier mot, et avec une belle formule, peut-être insuffisante politiquement, mais qui témoigne à mon sens de sa compréhension profonde du marxisme, de l'attention à la transformation des rapports sociaux et de la décision d'engagement politique concret de la philosophie sartrienne. Donc cette formule, qui ressemble à du Honneth mais qui n'en est pas du tout, c'est précisément un des aspects de la situation présente, de la situation, qu'il y ait des hommes qu'on ne peut pas reconnaître, et c'est pour ça qu'il faut la changer. Merci Alexis, et ouverture d'une discussion. Ce serait Emmanuel, a-t-il levé la main? Oui, il a la parole. Si, je l'avais volontiers. C'est extrêmement élaboré ton propos. Là, déjà, ce que je trouve. C'est d'abord extrêmement intéressant, c'est l'effort pour construire des médiations à caractère épistémologique qui soient propices à faire parler des dispositifs théoriques, plus ou moins spéculatifs, c'est selon, traduire ces dispositifs dans des outils d'objectivation directe de la réalité sociale, la diversité des conflits que tu as évoqués. Et moi, c'est vraiment un des axes majeurs de la philosophie sociale contemporaine, se constituer comme production aussi de médiation pour comprendre. comprendre en détail, donc pour pouvoir opérer sur les situations. Et enfin, bref, je trouve que c'est extrêmement passionnant par la précision que tu élabores là. Alors, c'est juste deux remarques. Il y a une tendance souvent à lire Sartre dans la mesure où justement chez lui toute objectivation devient ou est porteuse d'aliénation, se retourne en aliénation. Il y a une tendance à en inférer une forme de pessimisme, comme quoi finalement c'est pas la peine, on est toujours s'abîmer, c'est foutu. Bref, il y a un sentiment un peu de cet ordre-là qui émerge. Mais ce que je trouve déjà extrêmement intéressant, c'est que en disant que l'aliénation est un facteur et non pas une conséquence de l'oppression, ça a déjà pour première application de distinguer aliénation et oppression. Ce qui permet, je dirais, de rendre un peu plus neutre le concept d'aliénation que par rapport à son acception dominante à partir et au-delà du paradigme marxiste, par exemple. Voilà, ça c'est déjà une première chose. On peut être aliéné sans être opprimé. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, au fond, tu dis, si l'aliénation est à la base dans les deux types de situations que tu as abordées, dans tous les cas, c'est lié à la matérialité qui est à la fois la médiation. La condition même d'existence sociale, c'est la matérialité. Elle est porteuse de relations qui sont possiblement autant positives, mutuellement, valorisant mutuellement les libertés, individuelles, comme potentiellement négatives, quand elle prend ou quand elle donne lieu à des formes d'oppression. Donc je trouve qu'il y a déjà une chose importante, voilà, ça relocalise le concept d'aliénation sans le surcharger des éléments qui sont ceux des formes avérées de conflictualité. Enfin, voilà, je dirais ça comme ça. Je voulais savoir si toi, si tu serais d'accord pour, en quelque sorte, défendre sur cette base-là un concept en quelque sorte neutre d'aliénation. Voilà. La deuxième chose, c'est plus une remarque. L'exemple du serment, il me semble tout à fait porteur, justement dans la mesure où tu as évoqué le passage du groupe assermenté au groupe organisé, puis au groupe institutionnalisé, à la question des formes d'ossification du collectif. Finalement, un phénomène de bureaucratisation, par exemple, un phénomène de devenir terroriste d'un groupe qui initialement se constitue sur la base d'une liberté spécifique, d'une liberté partagée spécifique sous la forme du serment. Qu'est-ce que c'est sinon un processus au cours duquel un contrôle interactionnel se transforme en contrôle social ou se transmute en contrôle social? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au début, ton exposé semblait distinguer deux types de contrôle, alors que le cours de ton exposé montre bien que l'un peut naître de l'autre. Et d'une certaine façon, la disparition du tiers régulateur, qui est le moment où tout commence à se barrer en couille, en gros, la disparition du tiers régulateur, c'est aussi le moment où le contrôle interactionnel échappe à ses protagonistes et se trouve et voit ses principes localisés dans une instance extérieure. Alors, je trouve que si tu pouvais juste préciser ces deux types de rapports, à la fois d'opposition entre les... Parce qu'un contrôle social n'anéantit pas le contrôle interactionnel. Voilà, donc c'est préciser un peu les différentes modalités de la dialectique entre les deux, telles que tu les entends. Merci, j'ai commencé par la deuxième question à laquelle je serais bien incapable de répondre directement, c'est-à-dire... En effet, une des difficultés de cette articulation, c'est d'arriver à des... analyses qui puissent quand même être critiques. Au fond, il y a quand même l'idée, c'est que il y a toujours un contrôle social. Voilà, je crois, et ça Sartre quand même le dit, voilà, on ne peut pas penser une compréhension mutuelle dans les airs comme ça, on est dans des structures sociales, il y a une matérialité, etc. Donc évidemment, c'est ça que j'essayais, mais j'ai pas réussi vraiment à le saisir. Il y a une dialectique, c'est-à-dire qu'en effet, il y a quand même des moments où on est plus du côté d'une figuration dans le contrôle interactionnel de choses, de structures sociales préalables, et à un autre moment, au contraire, ça se renverse, en effet, comme dans ce palier là, groupe en fusion, serment, institution, parti, etc. À part de dire qu'il y a une dialectique et que ça n'arrête pas d'être en rapport et que l'objectivité des structures sociales devient ensuite dialectiquement des formes de devenir objet d'ossification, d'objectivation ou d'instances régulatrices qui peuvent être en bonne part, et qu'il y a un échange dialectique, je ne suis pas allé plus loin, je ne saurais pas forcément dire. Et en effet, évidemment, un des critères là, à partir de Sartre vraiment, c'est ce tiers régulateur là, qui disparaît. En revanche, peut-être tu pourrais y répondre par la première question un peu plus. En effet, moi c'est comme ça que j'ai compris chez ça. Je ne sais pas si on peut dire que le concept d'aliénation est neutre, mais en tout cas il est partagé, quoi. Il est vraiment partagé. Et donc ensuite, si on veut avoir une philosophie sociale critique, il faut arriver à en trouver des formes différentes, à trouver des critères immanents. Voilà. Et donc, à partir de cette conception de l'aliénation, trouver des objectivations qui soient à valoriser, des objectivations coopératives par exemple, ou alors révolutionnaires, ou dans une praxis commune, et à l'inverse, des objectivations réifiantes. Voilà. Et alors résultat, moi j'aurais tendance à utiliser quand même encore, mais en le modifiant un peu à partir de ça, le concept de réification pour venir nommer le type d'objectivation à partir d'une situation aliénante qu'on peut critiquer. Il y en a peut-être encore d'autres. Donc oui, mais sinon on est en effet... Une réponse complète. Autre question ? Moi. Il me semble, je ne suis pas sûre, que le cahier pour une morale a été écrit à peu près en même temps que l'être humain. Un peu après. À la même époque. Non ? On part de votre hypothèse de toute manière. Donc, ma question, c'est que est-ce que c'est fait que ce concept d'aliénation traité dans le cahier pour une morale ne s'approche beaucoup plus du concept d'aliénation de l'être linéant qui apparaît à la mauvaise foi? La mauvaise foi, c'est un moment que la conscience s'aliène d'elle-même, et après, la dialectique des maîtres et des esclaves, par exemple. Que moi je ne peux pas m'objectiver, j'ai ton objectif et tout, et tout, et tout. C'est une dispute pour être sujet. Et après, il y a un changement dans la critique de la raison dialectique où il maintient ce concept de conflit, et ce conflit est nécessaire à la libéralisation du groupe. Alors ça, je pourrais, c'est une hypothèse où il faudrait des spécialistes pour me dire si ça va, mais moi, la manière dont je l'ai lu, c'est dire déjà dans Cahier pour une morale, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que c'est aussi un des endroits où, parce que j'étais parti de la critique de Honneth qui dit, d'un côté, il y a l'être et le néant, de l'autre côté, il y a la critique de la raison dialectique, mais ça l'intéresse pas tellement, il y a les textes sur la névrose objective, puis nous sommes tous des assassins, sur l'état colonial, etc. Et puis la médiation n'a pas lieu. Moi, l'idée, c'était de dire, si, elle a lieu, et il y a donc l'hypothèse, mais moi je ne suis pas du tout sartrien, ce serait qu'il y a une continuité, quand même. Voilà. Voilà. Ensuite, dans Cahier pour une morale, l'exemple de l'appel et de l'aide était dans Cahier pour une morale, il y a déjà cette idée, quand même. Il y a déjà cette idée, alors il n'y a pas aussi fortement que dans la critique de la raison dialectique, évidemment, les concepts critiques, les catégories critiques ne sont pas là. Et en même temps, il y a cette idée qu'il y a bien un monde entre les deux libertés, et surtout que le conflit pratique des libertés ne peut pas du tout se réduire à une simple opposition entre des libertés comme ça qui se rencontreraient dans un espace complètement indéterminé. Donc après, est-ce que ça veut dire que Cahier pour une morale, il y a déjà les hypothèses de critique de la raison dialectique? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me semble que dans les analyses concrètes de Cahier pour une morale, on n'est pas du tout dans une... on n'est plus dans le regard, d'abord. Voilà. On n'est plus dans le regard, déjà. Et ensuite, qu'il y a déjà une attention au caractère pratique. Et donc aussi au monde social et au devenir objet, à l'instrumentalité, etc. Je veux pas de main qui surgit et qui reste 3 minutes. Je pose une question. Vous employez en fait 3 fois le mot contrôle. Il y a ce que vous appelez le contrôle interactionnel, où en fait c'est un mot qui est supposé désigner le rapport des libertés. Et en plus, ça renvoie à la compréhension, si j'ai bien compris. Donc il y a ce contrôle, et puis ensuite, il y a ce que vous appelez le contrôle social. Mais dans l'ensemble de l'exposé, il me semble que ça vient de Sartre, hein, tout ça, j'imagine. Enfin, en partie. Le contrôle social, ça peut être soit la détermination de ce drame, d'abord duel, du contrôle interactionnel par l'espace de la société dans son entier, soit ça peut être la détermination de ce même drame duel, pas seulement par l'espace de la société dans son entier, par l'espace des rapports sociaux, par la logique des rapports sociaux, mais par la physicalité et la matérialité elle-même. Bon, alors moi j'ai un problème dans l'utilisation du même mot pour les trois, parce que j'ai l'impression que le type de relation pertinente, de relation d'influence, sans même parler de causalité, est-ce que le même mot marche pour les trois ? Eh ben c'est... Fait y réfléchir, c'est une bonne objection. La première chose à répondre, c'est que cette idée contrôle interactionnel, contrôle social, enfin en tout cas dans la thèse, vient pas du tout de Sartre du tout. Oui, non, c'est votre langage. Voilà. Et donc langage qu'il faut préciser, bien entendu. L'idée, alors pour le coup dans la thèse, mais que je crois que Sartre pourrait m'aider à penser ça, c'est que d'abord, en effet, dans les relations intersubjectives, c'est du contrôle pratique qui a lieu dans les relations de compréhension. Et ça, c'est un sens de contrôle au sens d'opération pure. C'est une thèse très forte. Hein. Ouais, ça va pas fort, en fait. Non. Et que c'est une vraie action, en fait. Et ensuite, en effet, peut-être là où le terme de contrôle irait moins bien, mais en même temps on retrouve les choses des sciences sociales avec le contrôle social et toute cette thématique, c'est cette manière dont ils sont orientés, déterminés. Et donc bizarrement, le contrôle marcherait mieux au niveau interactionnel, enfin il me semble, qu'au niveau social, alors même que le terme de contrôle social est le plus évident. Mais je suis d'accord que c'est, en tout cas, c'est pas du tout le même type d'influence et que la question de leur articulation, elle est difficile. Ça m'intéresserait que vous élaboriez la chose. Vous voudriez rebondir, Emmanuel, mais il nous reste 22 secondes. Mais vous avez la parole. 22. Sartre distingue des sociétés directoriales et des sociétés non directoriales, et il dit que les sociétés directoriales ont pour ce principe que justement la totalité de l'espace social est une totalité qui tend vers l'absolue homogénéité parce qu'elle est totalisée par un agent ou par l'intermédiaire d'un agent au titre d'un projet explicite. Autrement dit, là il y a une figure du contrôle par l'espace social, du contrôle social, qui se fait au nom d'une finalité, en quelque sorte au nom d'un projet. Là, il y a une logique du contrôle qui est explicitement revendiquée comme telle. En revanche, là, Michel a parfaitement raison, la logique d'efficience sociale qui surgit du pratico-inerte tout seul, l'appeler contrôle, c'est présupposer une forme de décisionnisme qui est absent. Et le propre de Sartre, c'est d'insister pour les sociétés non directoriales, ce qu'il appelle les sociétés non directoriales, c'est-à-dire les sociétés bourgeoises, en gros, et bien sûr le fait que s'il y a contrôle social, il se fait seulement à certains niveaux ou partiellement, c'est-à-dire qu'en fait, le mode de totalisation des interactions par la société est à mi-chemin entre le contrôle et l'efficience. Enfin, de ce que j'appelle simplement l'efficience, faut de mieux là. Et que justement, l'évolution des sociétés peut se faire en mesurant la part respective comment dire, de, entre ces deux modes de déficience. Voilà. Bon, alors on a débordé de... Cela dit, je remarquais qu'une quatrième figure du contrôle est apparue pour moi dans cette intervention. Mais je...